Sous canadienne, tu posais avec ton temps. Estaillé d'ici, ouais, c'est tentant. Enfermé, ça déguste en zonzon. Ça porte de moi, tu le sais, tu l'y prends le temps. J'vole au-dessus de la ville, j'suis dans l'OVNI. Sous Cali, j'suis posé avec le J. C'est le sang, c'est le dème, c'est la famille. On fait de l'or, du platine, de la money. J'ai fait TP toute la semaine. J'me dis, faut que je reste le même. Pas sans celui qui me suit, c'est qui m'aime. Même, sans d'OVNI dans les veines. Toujours un truc, je savais. Ils ont pris la caisse, mais il reste du shit. Il a fini en GAV. Parce qu'il a insulté les Schmitt. Arrête platine sur l'Elysée ou place Vendôme. Comme Marie, j'suis dans mon coin, tu me vois pas comme un fantôme. Tu me vois pas trop sur net, tu me vois pas trop à l'antenne. Cramé, choisis mes habits en visio à Aston. Même si on m'a fait du mal, moi j'peux pas faire un gars. On m'a fait des petites actions, donc là j'vais m'en faire un gros. Regardez Scarface, j'me suis endormi à Rebenga. Son pépé, heureusement qu'il reste des fruits comme tes gars. Faut qu'ils en mangent, c'est qu'est-ce que tu veux que j'te dise. On parle pas trop en bas, c'est la jungle dans 9-4. Ça rafale dans le 13. Est-ce qu'ils complotent, on est chaud comme la braise. Ça me ramène la frappe, c'est l'ophané. J'oublierai jamais la galère, les fins du roi. Parce que j'suis du clan des affamés. Wesh, alors si c'est la famille, j'fais des albums, j'suis programmé. J'vois plus personne derrière moi, j'vais à 2000 comme le roi Sané. Sous canadienne, tu posais avec ton temps. Estaillé d'ici, ouais, c'est tentant. Enfermé, ça déguste en zonzon. Ça porte de moi, tu le sais, tu l'y prends le temps. J'vole au-dessus de la ville, j'suis dans l'OVNI. Sous Cali, j'suis posé avec le J. C'est le sang, c'est le dème, c'est la famille. On fait de l'or, du platine, de la money. J'vais t'apprendre comment ça fonctionne, comment je les confectionne. J'vais t'apprendre comment ça fonctionne, comment je les confectionne. Entre les hyènes et les loups, pas d'osmose, genre. Sur les fronts de mon fiston à Bosse-Bosse. Martin Aston sur la Costa del Sol. Des traces de rodéo sur le sol des belles sommes. Il pleut des cailloux, dit bonjour aux uniformes. On fait ça comme personne, on a les peaux en carbone. Je vais t'apprendre comment ça fonctionne, comment je les confectionne. Que des voyants sur la feuille de match, on met des headshots. Ce qu'on leur sort, c'est pas du airsoft. On a des psychotropes couleur caramel. Livraison à domicile par cybercriminel. J'ai calé sans G, le corner est piégé. J'ai vite cicatrisé, j'suis immunisé. Une guerrière m'a élevé, fourmi le thème. Avec le J en léger sur les Champs-Élysées. Sous canadienne, tu posais avec ton temps. Estaillé d'ici, ouais, c'est tentant. Enfermé, ça déguste en zonzon. Ça porte de moi, tu le sais, tu l'y prends le temps. J'vole au-dessus de la ville, j'suis dans l'OVNI. Sous Cali, j'suis posé avec le J. C'est le sang, c'est le dème, c'est la famille. On fait de l'or, du platine, de la money.